Sans vous mettre, j'avais vu, mais c'est bon, j'ai roulé à doudou. Sans vous mettre, j'avais vu, j'ai craqué, assuré.